Chapitre 8. Tournoi à l'ogre, félonie des compagnons de la table ronde, leur réconciliation avec Gauvain, amour de Guillaumard et de Morgaine. Ainsi, les chevaliers de la cour d'Artus se trouvèrent séparés en deux confréries. D'un côté, les compagnons de la table ronde, revenus de Carmélide. De l'autre, les chevaliers de la reine. Les premiers, au nombre de 250, les seconds, placés sous la direction de Gauvain, au nombre de 90. Ceux-ci avaient recueilli le plus de gloire dans la campagne de Carmélide. De là, de sourds ferments de jalousie contre eux de la part des chevaliers de la table ronde. Quand les nappes furent levées, que le sénéchal s'écria « Que faisons-nous ici? La fête passera-t-elle son tournoi ?»« Honi !» dit Sagremort, « qui refuse au roi d'y paraître ?» Tous aussitôt de courir aux armes courtoises. « Mais, demanda Gauvain, comment entendez-vous tournoyer ?»« Nous jouterons, dit Minoras, contre les chevaliers de la reine Guenièvre en nombre égal. »« Et combien serez-vous ? » ?»« Nous serons, dit Adragan, 500. Nous arriverons donc en même nombre. » »« Il ne s'agit plus, dit Sinados, que de commencer, car le jour passe. » Ils furent bientôt sur le pré devant les murs de la ville. À droite était la rivière, à gauche les fossés creusés devant les murailles. Quand les 1000 armées furent séparées en deux bandes, « Où sont ?» crièrent les héros. « Les vrais hommes d'armes ? Or y paraîtra qui bien y fera !» Sinados, du côté de la table ronde, sortit le premier des rangs. De l'autre côté, Agravin l'orgueilleux, frère de Gauvain. Les glaives frappent sur les écus, les trous, les écartèlent et volent en pièces. En passant l'un contre l'autre, les deux jouteurs se heurtent avec une telle violence qu'ils tombent en même temps à terre, les chevaux sur le corps. On s'élance des deux côtés pour les secourir, mais non sans frapper du fer tranchant des lances, et la mêlée devient générale. Pendant ce temps, Gauvain s'était approché des fossés, en face des fenêtres où le roi se tenait appuyé, avec la reine Guenièvre, les rois Ban et Bohor, et nombre de dames et pucelles. Dès qu'Artus l'aperçut, « Beau neveu, dit-il, ayez soin de prévenir ou d'empêcher toute apparence de mauvais vouloir entre les jouteurs. »« Je puis bien, dit Gauvain, répondre de moi, non de la folie des autres. À vous, sire, d'intervenir si vous apercevez quelque désordre. Pour moi, je ne pourrais voir les miens en mauvais point sans leur venir en aide. »« Je proposerai, dit le roi Ban, d'armer une partie de vos gens. S'il en est besoin, ils sépareront les furieux. » Artus fit armer aussitôt 3000 écuyers et sergents, prêts au service qui leur serait demandé. On venait à grand-peine de dégager et remonter Sinados et Agravin. L'acharnement entre les deux parties devenait de moment en moment plus furieux. Les chevaliers de la table ronde poussaient ceux de la reine et gagnaient sur eux assez d'avantages pour les contraindre à reculer. Le roi Lot vint à propos les soutenir. Le romancier, comme on le verra, va faire intervenir ici Lot et Gauvain à deux reprises. Je pense que c'est une double variante d'un récit plus ancien. Gauvain ne dut porter aide aux chevaliers de la reine qu'après avoir vu les chevaliers de la table ronde violer les conventions en s'armant d'armes à outrance. Ce fut aux chevaliers de la table ronde à lâcher pied, laissant étendu dans la plaine un assez grand nombre des leurs. Mais ils revinrent bientôt avec 700 nouveaux chevaliers reprendre l'offensive. Les autres, accablés par le nombre, eurent beau résister de leur mieux. Il leur fallut faire retraite au milieu de tels cris qu'on n'eût pas alors entendu Dieu tonner. Jusque-là, Gauvain, Yvain et Sagremort s'étaient contentés de regarder les combattants. Quand ils virent les chevaliers de la reine perdre le terrain, « Par ma foi, beau cousin, dit Yvain, nous tardons trop. » « Ne voyez-vous que les nôtres sont repoussés ?»« Honi le chevalier, dit Sagremort, qui ne leur portera secours. Parler sans agir vaut moins qu'un bouton. Suivez-moi donc, dit Gauvain. » Ils brochent des éperons, fondent au milieu des deux bandes, comme éperviers sur perdrix. De leurs glaives roidement tendus, ils portent à terre les 4 premiers qu'ils rencontrent. À de tels coups, ceux de la table ronde devinent leur nom. Bientôt, tous les chevaliers de la reine sont ralliés autour de Gauvain. Du haut des fenêtres, les dames admiraient leur contenance. « Si, disait-elle, Sagremort est beau de corps et de membres, il est encore plus beau de force et de cœur. Heureuse qu'il aura pour ami. Bien peu serait courtoise et sage celle qui lui refuserait quelque chose. Giroflée, Galéconde et Messire Yvain avaient aussi leur part de louanges. De leur côté, les compagnons de la table ronde faisaient bonne défense. Mais comment maintenir le camp contre Messire Gauvain? Comment songer à l'arrêter? Il abattait devant lui chevaux et chevaliers, il faisait sauter les haumes, écartelait les écus, refoulait enfin la troupe ennemie jusqu'au bord de la rivière, en laissant 10 prisonniers au pouvoir des chevaliers de la reine. Giroflée, Sagremort et Agravain les envoyèrent à Guenièvre, au nom de Monseigneur Gauvain, leur capitaine. La reine les reçut à grande joie, leur distribua de ses joyaux et les invita à prendre place aux fenêtres afin de voir la suite du tournoi. Les deux compagnies n'avaient encore contrevenu aux conventions du tournoi qu'en appelant tour à tour des auxiliaires inattendus. Mais quand ceux de la table ronde virent la journée perdue, ils ne gardèrent plus de mesure, et plusieurs d'entre eux, laissant les armes courtoises pour les glaives forts et tranchants, revinrent lance sur feutre et frappèrent aussi furieusement que s'ils avaient eu les scènes à combattre. De la première course, ils abattirent 20 des meilleurs chevaliers de la reine. Yvain aperçut le premier leur félonie. « Voyez-vous, dit-il à Messire Gauvain, le beau jeu qu'on fait à nos compagnons ?»« Ce n'est pas, dit Gauvain, le fait de prud'homme. Allez, Guéret de Lamballe et Guillaumard, allez aux compagnons de la table ronde, et dites-leur de ma part et de celle de mes amis qu'ils agissent mal. Il faut qu'ils s'arrêtent, ou nous en ferons clameur au roi. S'il est un seul de nous qui est méfait, nous l'amenderons. » Les deux chevaliers allèrent reporter ces paroles. Loin d'être accueillis favorablement, on leur répondit « Peu nous chaud de ce que vous nous mandez, en grogne qui voudra. Dites à Gauvain qu'il faut voir où sont les meilleurs vassaux et qui sait mieux fournir une course. » Les messagers ainsi mal reçus reviennent à Monseigneur Gauvain. « Eh bien, s'il en est ainsi, montrons, dit Gauvain, quels sont les meilleurs. » Puis, tirant à l'écart Sagremort, ses trois frères, Yvain, Galéchin, Dodinel, Queudestreau et Giroflée, « Seigneur, dit-il, les compagnons de la table ronde ont fait une action déloyale. Demandons nos hauberts. Armons-nous du mieux que nous pourrons. » Il y en eut bien 80 des meilleurs qui, répondant à cet appel, empoignèrent les glaives aigus et saignirent aux côtés les grandes épées. Leurs amis, rudement menés par les chevaliers de la table ronde, avaient grand besoin d'eux. Ménacien, voyant Gauvain revenir à la charge, « Seigneur, dit-il au sien, nous avons mal exploité. Le neveu du roi revient entouré de ses meilleurs amis. Comment soutenir leur choc sans dommage? Mieux vaudrait cesser le tournoi. »« Non, lui répondirent-ils, nous avons commencé, nous achèverons. » Et ils continuèrent à jouer des glaives, en arrêtant ou poussant les autres. Cependant, les chevaliers du roi Lot suivaient l'exemple de Gauvain. Il laissait les armes courtoises et prenait les pointes acérées. Arrivés auprès de Gauvain, « Chevauchons, disent-ils, de compagnie. Vous n'étiez que 80, ils sont bien 200, mais nous sommes en état de punir ceux qui entreprirent la folie. » En ce moment, comme les chevaliers de la reine, refoulés jusqu'à la rivière, se croyaient tout à fait vaincus, ils entendirent Monseigneur Gauvain s'écrier « En avant, mes amis, donnons à ces félons une leçon dont ils se souviennent !» Les chevaliers de la reine à ces paroles reprennent espoir et tournent visage vers ceux qui les ont si rudement foulés. Messire Gauvain, le glaive au poing, atteint le premier qu'il rencontre, tranche le haume, la coiffe, pénètre jusqu'à la cervelle. Le glaive brisé, il tire son épée, frappe mortellement un second, un troisième. Nul ne lui résiste. Les rangs ennemis s'ouvrent devant lui, devant ses compagnons. Nacien veut les arrêter. Gauvain lui fait vider les arçons. En se relevant, « Ah, messire Gauvain, messire Gauvain » dit-il, « on vantait votre courtoisie, votre prud'homie. Vous faites mentir votre renom, car vous êtes couvert de toutes vos armes, comme si vous aviez à combattre de véritables ennemis. Vous en serez blâmé. » « Je ne sais, mais je serai toujours prêt à me défendre seul contre ceux qui douteraient de ma loyauté. À vous peut-on faire le reproche. Vous avez commencé la folie. » Et n'avait tenu compte de mon message. Sire, si la folie est nôtre, celui qui l'a commencé l'a bien payé, il est navré à mort. De grâce, arrêtez-vous. Non, non, je n'entends pas que les chevaliers de la table ronde aient à se féliciter de leur félonie. Tout ce que je puis, c'est de vous laisser retourner sans autrement vous navrer. Cela dit, Gauvin reprend la poursuite et refoule les compagnons de la table ronde jusqu'au bord de la rivière. Plusieurs y tombèrent pour n'en pas sortir, laissant glaives et écus flotter sur les eaux. Le combat dura longtemps encore. Les deux parties, soutenues à plusieurs reprises par de nouvelles recrues, poussèrent et furent poussées, tour à tour, jusque dans l'enceinte de la ville. L'église de Saint-Étienne servit quelque temps de boulevard et de refuge aux furieux combattants. Mais enfin, grâce à l'intervention des trois rois et de la reine, Gauvin consentit à poser les armes et permit à ceux de la table ronde de s'éloigner confus et déconfits. Mais ce ne fut pas sans échanger de rudes paroles avec Hervis d'Urinel, le chef des chevaliers vaincus. « Si nous avons méfait envers vous, dit Hervis, nous l'amenderons, et pour l'amour de vous et non d'autres, mes compagnons resteront les amis de vos compagnons. »« Ils ne seront pas les miens, reprend Gauvin. Je ne les aimerai jamais. Partout où je les trouverai, je les traiterai en ennemis. Nous sommes 80 et nous défions en pleine campagne les 120 meilleurs d'entre eux. » « Ah, sire, dit Hervis, vous parlez ainsi dans le feu de la colère. Quand vous serez reposé, vous penserez autrement. Il y aurait trop de deuil et de dommages si, pour un moment de folie, tant de prud'hommes abandonnaient la cour du roi Artus. Qu'ils fassent comme ils l'entendront, mais sachez que, partout où je pourrai les retrouver, j'irai à leur rencontre pour leur montrer que je les tiens à ennemis. » Comme il s'éloignait sur ces paroles, le roi Artus arriva. « Beau neveu, dit-il. Est-ce ainsi que vous avez écouté la prière que je vous fis ce matin? Vous avez frappé mes chevaliers à mort, vous leur avez fait du pis que vous avez pu, et j'en ai le plus grand chagrin du monde. Sire, qui commence la folie doit la payer. Je n'ai rien fait en dépit de vous, et je suis prêt à m'en défendre envers et contre tous. » Les quatre rois décident Gauvin à se désarmer. Sagremort, Yvain et leurs compagnons retournent à leurs hôtels. Autant en font les chevaliers de la table ronde. Ils revêtent les robes de cour. Ceux que leurs blessures et l'extrême fatigue ne retenaient pas arrivent au palais et entrent, se tenant par la main deux à deux dans la maître salle. Les rois se lèvent et leur font belle chair. La reine vient à eux, invite Gauvin, Yvain et Sagremort à prendre place sur la même couche auprès d'elle. Bientôt l'enjouement se peint sur tous les visages. Ils rient, gabent et conversent, la reine montrant surtout combien elle est heureuse de la bonne tenue de ses chevaliers. Ceux de la table ronde paraissent en toute autre disposition. Confus de leur défaite, ils regrettent de l'avoir méritée et ne songent qu'aux moyens d'apaiser le courroux de Monseigneur Gauvin. Ils tombèrent d'accord d'envoyer à la cour Hervis d'Urinel, Nacien et Synados, qu'ils estimaient sages et les mieux en parler. Ces messagers arrivent, se tenant par les mains devant le roi Artus. « Soyez les bienvenus, dit le roi en se levant. « Sire, dit Hervis d'Urinel, asseyez-vous et votre compagnie pour entendre ce que nous venons vous dire. Les compagnons de la table ronde nous envoient vers Monseigneur Gauvin afin de lui déclarer qu'ils sont prêts à réparer le tort qu'ils ont pu faire, ainsi que vous et madame la reine le déciderez. Ils veulent rester les amis de Monseigneur Gauvin et de ses compagnons. « Madame, dit alors le roi, vous entendez ce que messire Hervis nous dit? Vous ne refuserez pas votre bonne entremise, et vous demanderez à Monseigneur Gauvin de consentir à l'accord qu'on lui propose. » La reine fait un signe d'approbation, mais Gauvin se tait et détourne la tête. « Et quoi ? Dit le roi. « Voulez-vous repousser les offres que vous font d'aussi vaillants prud'hommes ?»« Prud'hommes ? » fait Gauvin. « Sans doute, reprend Artus. « Je reconnais, dit Gauvin, qu'ils auraient bien dû l'être. »« Allons, madame, dit le roi, je vois que vous seul pourrez adoucir notre beau neveu. » Guenièvre s'approche alors de Gauvin et le prenant par la main. « Sire neveu, vous savez que la colère aveugle souvent le prud'homme, au point de le rendre semblable au moins sage. Le roi et moi, nous vous prions de laisser tout ressentiment. Cette terre a trop grand besoin de tous ses défenseurs, et vous n'êtes qu'en petit nombre à côté des scènes qui nous menacent. Aimez-vous donc tous les uns les autres, et n'allez pas vous diviser et vous détruire au profit de nos véritables ennemis. » Gauvin, qui avait laissé parler la reine, tout d'un coup se prenant à rire. Ah, dame, dame, fait-il. Qui veut apprendre avec vous n'a qu'à bien vous écouter. Dieu soit loué, qui nous accorde la compagnie et les avis de dames si bonnes et si sages. Pour ce qui est de moi, disposez à votre volonté et de mon corps et de mon cœur, sauf ce qui pourrait me tourner à honte. Oh, reprend la reine, bien peu sage la dame qui attendrait de vous la moindre félonie. C'est ainsi que Guenièvre apaisa le courroux de Monseigneur Gauvin. Hervis d'Urinel, Nacien et Synados allèrent avertir les compagnons de la table ronde de revenir avec eux vers le roi et la reine. Yvain, Sagremor et les trois frères de Gauvin approchèrent. On leur raconta ce qui s'était passé et on leur fit entendre qu'ils n'avaient rien de mieux à faire que de consentir à la paix. Les compagnons de la table ronde s'agenouillèrent alors devant Monseigneur Gauvin après avoir étendu sous leurs pieds le pan de leur manteau. « Sire, dit Hervis d'Urinel, nous vous offrons, tel que vous la voudrez, l'amende des torts que nous avons faits. » Monseigneur Gauvin le relève aussitôt par le poing, tandis que ses trois frères et Sagremor, Yvain et leurs amis relèvent courtoisement les autres. Tous les courroux sont apaisés. La reine rend les prisonniers faits durant le combat après leur avoir donné de nouvelles robes. Enfin, on convient qu'à l'avenir, les chevaliers de la reine et les compagnons de la table ronde ne jouteront jamais les uns contre les autres, sinon pour éprouver, seul à seul, leur valeur. En ce temps-là, les chevaliers de la reine n'étaient pas plus de 90. Ils auront atteint le nombre de 400 quand sera accomplie la quête aventureuse et difficile du Saint Graal. Vers ce temps-là fut répandue dans le royaume de l'Ogre la grande nouvelle que le Saint Graal, où Joseph d'Arimathie avait recueilli le sang de notre Seigneur, se trouverait, avec la sainte lance dont Jésus-Christ avait été percé, dans la Grande-Bretagne. On ignorait en quel endroit le précieux trésor était caché. On savait seulement que la faveur de le découvrir et de mettre fin aux temps aventureux était réservée aux meilleurs chevaliers du monde. Cette nouvelle fut répandue par des voix inconnues. Quand les compagnons de la table ronde apprirent ce qu'on devait attendre du meilleur des chevaliers, ils se mirent en quête, dans l'espérance de rencontrer ce glorieux prédestiné et d'avoir occasion de mettre en relief leur valeur et leur prudomie. Venait-on à leur parler d'un bon chevalier, ils s'attachaient à ses traces. Ils se mettaient durant temps et jour à sa recherche, sans faire une seule nuit de séjour nulle part. S'ils le trouvaient, ils l'amenaient en cour, éprouvaient sa chevalerie et le recevaient compagnon de la table ronde. À son retour, chacun racontait ce qu'il avait fait et les aventures qu'il avait mises à bonne ou mauvaise fin, sans en rien déguiser. Les quatre clercs de la reine Guenièvre mettaient le tout en écrit et de mots en mots. Ainsi les connaissons-nous et la mémoire s'en est-elle gardée. L'accord fait, comme on a vu, entre les chevaliers de la reine et ceux de la table ronde, le roi Ban donna deux bons conseils à Artus. Le premier fut d'obtenir de tous les barons qui formeraient sa cour la promesse de ne jamais tournoyer les uns contre les autres et de ne se mesurer qu'avec les chevaliers arrivant des contrées étrangères pour essayer leur force contre les chevaliers de l'Ogre. L'autre conseil fut de prolonger les trêves avec les princes Feu d'Atterre qui ne le reconnaissaient pas encore pour fils du Terpin Dragon. Ces princes ne devaient pas en repousser la proposition tant ils avaient déjà éprouvé de dommages, tant ils avaient dû sentir le besoin de réunir toutes leurs forces contre les Seines, ennemis communs d'Artus et de chacun d'eux. Il conviendrait donc, ajouta le roi Ban, de leur envoyer de hauts et puissants messagers. Si je ne craignais le mauvais gré du roi Lot, je proposerais de faire choix de lui, car nul ne serait aussi en état de tout mener à bien. D'autant mieux, reprit Artus, qu'il connaît mieux que personne les détours de chemins et les voies qui conduisent chez chacun de ses princes. « Je vois, dit alors la reine, un danger dans le choix que vous entendez faire, et peut-être vaudrait-il mieux envoyer un chevalier dont la vie serait moins précieuse. »« Non, madame, répond le roi Ban. Un simple chevalier n'aurait pas assez de gravité pour en imposer aux rois qui nous font la guerre, tandis que Monseigneur Lot, longtemps de leur conseil et de leur société, sera mieux écouté, exposera mieux ce que demande l'intérêt commun et comment peut-être garder l'honneur de leur couronne. Puisque tel est votre avis, dit le roi Lot, je m'y accorde volontiers, à la condition que mes quatre fils seront du voyage. La condition affligea le roi Artus. Il aimait tant Gauvain qu'il ne pouvait se résoudre à le laisser partir. Enfin, il céda. Le roi Lot et ses quatre fils se préparèrent à partir dès le lendemain au point du jour. Et comme la compagnie se séparait pour aller reposer, Guillaumard, le cousin de la reine, demeura seul dans une garde-robe basse avec Morgaine, la sœur d'Artus. Morgaine dévidait alors un fil d'or dont elle voulait faire une coiffe pour la femme du roi Lot, sa sœur. La demoiselle savait beaucoup de lettres, sa voix était douce et tendre, son esprit des plus enjoués. Merlin lui avait appris les grands secrets d'astronomie. Elle avait encore ajouté à ses premières leçons, si bien que les gens du pays ne la nommaient que Morgaine la fée. Elle était brune de visage, droite et flexible, d'un parfait embonpoint, ni trop maigre, ni trop grasse. Sa tête avait toute la beauté que femme pouvait désirer. Jamais on ne vit de mains plus parfaites que les siennes. Sa chair répandait une odeur suave de lait. Ajoutez encore qu'elle avait une éloquence vive et persuasive. D'ailleurs, c'était la femme la plus ardente et la plus lascive de la Grande-Bretagne. Quand une folle ardeur ne l'emportait pas, elle était bonne, gracieuse et bienveillante à tous. Mais quand elle avait pris quelqu'un en reine, elle n'entendait à nul accord. On ne le vit que trop à l'égard de la reine Guenièvre, la dame qu'elle devait le plus aimer et à laquelle elle causa de mortels ennuis. Elle la couvrit même de honte à ce point que tout le monde s'en entretint, comme on le racontera plus tard. Guillaumard entra donc dans la chambre où se tenait Morgaine et la salua doucement en souhaitant que Dieu lui donnât bonjour. Morgaine rendit le salut. Il s'approcha, s'assit près d'elle, prit le fil d'or entre ses doigts et lui demanda quel était l'ouvrage qu'elle entendait à faire. Guillaumard était grand, bien taillé de tous ses membres. Il avait le visage frais et coloré, les cheveux blonds et bouclés, la bouche riante et gracieuse. Morgaine l'écouta, le regarda volontiers. Tout lui plut en Guillaumard, ses paroles et sa personne. Il se hasarda à la prier d'amour. Morgaine rougit, répondit comme il le souhaitait, et telle fut l'ardeur qui la saisit aussitôt qu'elle ne lui refusa rien de tout ce qu'il demanda. Alors il se prit à l'embrasser, à la serrer contre sa poitrine. Enfin, dame nature aidant, ils se jetèrent sur une grande et belle couche et jouèrent le jeu commun que chacun sait. Ils restèrent ainsi longuement ensemble et se revirent les jours suivants, sans que personne découvrît rien de leur intelligence. Mais Guenièvre, en ayant plus tard appris quelque chose, les contraignit à se séparer. De là de violents transports de haine et de ressentiment que rien ne put jamais calmer ni adoucir. Voyage de Lot et de ses fils, Éliézer, fils du roi Pélès de l'Istenois, Parlement d'Arestuel en Écosse. Le roi Lot et ses quatre vaillants fils sortirent de Londres au point du jour par la porte bretonne ou de Bretagne, pour entrer dans le chemin qui conduisait à la ville d'Arestuel en Écosse, distante de 4 lieues du territoire occupé par les Saines. Il leur fallait passer par le château de la Sapine, traverser la plaine de Roestock, entrer dans la forêt de l'Espinois, longer les rives de la Saverne, gagner la plaine de Cambenic, puis la cité de Norgal et enfin Arestuel. Montés sur de bons palefrois, 5 garçons les suivaient pour les servir, conduire leurs destriers, charger et décharger les sommiers. Ils découvrirent la plaine de Roestock et déjà se réjouissaient d'arriver sans aventure quand ils furent obligés de s'arrêter devant un convoi de butins et de prisonniers qu'une compagnie de 200 saines conduisait devant Clarence, alors assiégée par leur roi Argodabran. Les prisonniers étaient fortement attachés sous le ventre des chevaux et fréquemment battus de bâtons et de sangles. Les chefs de ces mécréants étaient Sorbaré, Monaclin, Salebrun, Isoré et Claridon. Claridon montait le Gringalet, cheval qui n'avait pas son pareil au monde, courant 10 lieues sans être touché des éperons et avant qu'une seule goutte de sueur mouillât sa croupe sa tête, ses épaules ou ses oreilles. À la vue des Bretons, les scènes crièrent « Rendez-vous ! Nous gardons ces passages au nom du roi Hargodabran. Nous allons vous conduire à lui. » Gauvin, son père et ses frères montèrent à la hâte sur leurs chevaux de guerre et brochèrent des éperons pour passer outre. Un long combat s'engagea dont le détail vous sera épargné. Vous saurez seulement que, grâce à la valeur de Gauvin, les scènes, assez mal armées, furent obligées de livrer passage et que les rois Salebrun et Monaclin y laissèrent la vie. Là, Gauvin conquit le cheval de Claridon, le gringalet pour lequel il eut donné le château de Glaucédon et dont la renommée devint dès lors inséparable de la sienne. Quant à sa bonne épée Excalibur, c'était, comme on l'a dit, un don du roi Artus qu'il avait détaché de l'enclume. Les garçons et valets avaient conduit les palefrois dans un bois voisin pendant que les chevaliers combattaient. Ils rejoignirent dès qu'ils virent la plaine libre et les scènes regagnaient Clarence à toute bride. Lot et ses fils les attendaient avec impatience, car ils étaient harassés de fatigue et leurs armes étaient toutes bosselées, écartelées ou rompues. La forêt dans laquelle ils s'engagèrent vers le milieu de la nuit était grande et profonde. Ils arrivèrent devant une maison qui leur parut être celle du forestier. Elle était fermée de larges fossés remplis d'eau et bordée d'une ceinture de troncs de chêne, étroitement joints, recouvert d'une couche d'épines aiguës et vigoureuses. Le hasard seul les mit sur la trace de la poterne. Ils y frappèrent. « Soyez les bienvenus, sire chevalier, leur dit celui des fils du forestier, qui leur ouvrit et les conduisit dans une grande cour. Ils y descendirent de cheval. Le jeune homme les fit entrer dans une salle de plein pied, où ils furent reçus par le vavasseur, sa femme, trois jouvenceaux et deux belles filles. Tous se levèrent en les voyant. On leur présenta l'eau chaude pour laver, on leur posa des manteaux sur les épaules. Les tables dressées, ils s'assirent au manger. Le vavasseur près du roi Lot, la dame du château près de Gauvin. Les fils servirent les mets, et les demoiselles offrirent le vin, tout en regardant beaucoup les jeunes étrangers. Le vin au lieu de la cervoise, ce qui nous ramène à l'origine française de la composition. Quand les nappes furent ôtées, « Sire, dit le vavasseur au roi, si vous le trouviez bon, je demanderai qui vous êtes. »« Je vous le dirai, répondit Lot, mais auparavant veuillez me dire à qui appartient la forêt et le pays où nous sommes. Elle est au roi Clarion de Northumberland, dont je suis le forestier. »« Clarion, reprit Lot, est le plus prud'homme que je sache, et m'est avis qu'il ne pouvait faire pour son forestier un meilleur choix. » « Vous avez belle et courtoise famille. Mes enfants ont eu de bons exemples, » dit le vavasseur. « Plusieurs de leurs parents sont à la cour du roi Artus. Ils viennent même d'être reçus au nombre des chevaliers de la reine Guenièvre, noble compagnie, m'a-t-on dit, formée par Monseigneur Gauvin, le fils du roi Lot. De plus, j'ai appris que le roi Lot s'était accordé au roi Artus. « Quels sont, » reprit Lot, « ces chevaliers parents de vos enfants ?» La dame que vous voyez est sœur de père de Mérogis de Port-Lesguet, cousine germaine d'Église des Vaux et de Caédine le Petit. Yvain de Lionel est mon neveu par mon frère Grand Alice, châtelain de Grainefort. Pour moi, j'avais de grandes terres à tenir, mais les scènes les ont ruinées. Je suis Minoras, sire du Neuchâtel en Northumberland. Apparemment aujourd'hui la grande ville de Newcastle. Tout ce curieux récit du message de Lot est omis dans beaucoup de manuscrits. « Par Dieu, dit le roi Lot, je connais tous ceux que vous avez nommés, ils sont des meilleurs chevaliers. Mais plût à Dieu que le roi Clarion fût en la place où vous êtes, j'ai besoin de lui parler, et je ne serai satisfait qu'après l'avoir vu. En attendant, dites à tous ceux qui vous le demanderont que vous avez cette nuit hébergé le roi Lot d'Orcanie et ses quatre fils. « Monseigneur, dit Minoras en se jetant à genoux, nous pardonnerez-vous de vous avoir fait si peu d'honneur ?» « Relevez-vous, vous en avez assez fait pour nous attacher à vous toute la vie. Sachez que nous voudrions conférer avec les barons de ce pays pour les engager à joindre leur service au nôtre, à oublier ce qui peut nous diviser, pour ne penser qu'à chasser les scènes de l'île de Bretagne. « Où pensez-vous faire cette assemblée ?» demanda Minoras. « À Arestuel, en Écosse, qui est sur la marche la plus proche. « S'il vous plaisait, monseigneur, j'irais avertir le roi Clarion. » « Je vous en saurai le meilleur gré. vous lui direz que je l'attends dans Arestuel pour la Notre-Dame de septembre. » Les manuscrits portent tous ici cette date, tandis que le suivant épisode y substitue la Saint-Barthélemy. Cela déjà donnerait à croire que l'incidence du roi Pélès et de son fils est l'œuvre des assembleurs. Dans le manuscrit 747, après la phrase qui va nous montrer les hôtes de Minoras allant reposer, près d'une page est laissée en blanc, et l'épisode du fils de Pélès est écrit d'une autre main. Minoras promit de faire ce que le roi Lot désirait. Mais la nuit s'avançait, les lits furent faits, ils allèrent s'y reposer des grandes fatigues de la dernière journée. Ici, les textes les plus complets nous transportent sans préparation chez le roi Pélès, dont nous avions à peine entendu parler jusque-là. C'est peut-être le seul fragment conservé d'une branche que les assembleurs auront éliminée. Cette branche, je suppose, était encore l'œuvre de Robert de Boron et contenait la suite des aventures d'Alain et de ses frères. Voyez tome 1er, page 357. Le roi Pélès avait pour fils un beau damoiselle, âgé de 15 ans. Quand son père lui demanda s'il ne désirait pas d'être adoubé, il avait répondu qu'il voulait demander ses armes au meilleur chevalier qui fût au monde. « Vous pourrez bien attendre longtemps, » dit le père. « Je le servirai 3 ans volontiers pour mériter de lui l'honneur que je désire. Et savez-vous pourquoi ? Afin de le mettre sur la voie qui conduit où nous sommes et de lui épargner les rudes aventures qui semblent l'attendre, comme je vous l'ai entendu dire maintes fois. Ma joie d'ailleurs serait grande si je voyais mon oncle guérir des plaies qui recouvrent ses jambes. « Ah, beau fils !» répond le roi Pélès. « Vous auriez beau montrer la voie à ce chevalier, il ne doit venir ici que par la vertu de ses prouesses. C'est à la suite des plus belles aventures qu'il pourra voir le Saint Graal que garde ma petite fille, âgée de 5 ans, et de laquelle naîtra, en loyal mariage, celui qui doit parachever les aventures. Vous savez que 3 prud'hommes sont destinés à les accomplir, les 2 premiers vierges, le 3e parfaitement chaste. » Ce paragraphe doit avoir été remanié. Au moins l'a-t-on mis en désaccord avec le Joseph et le Merlin de Robert de Boron pour le rendre plus conforme à la généalogie qui termine le Saint Graal. Là, Joseph transmet le Saint Vaisseau à son cousin Alain, fils de Bron. Alain le laisse à Josué, dans la ville de Corbenic. De Josué, il passe à ses descendants, Almanadep, gendre du roi Luce, Cartelois, Manaël, Lambourg, tous surnommés rois pêcheurs. Au roi Lambourg succède Féléan, le Méhénier, père des rois Pélès, Pélinor et Hélin. L'auteur du Saint Graal oublie que, dans le Joseph d'Arimathie, le roi Mordrin le Méhénier devait survivre à tous ses contemporains et attendre plusieurs siècles le chaste chevalier Galaad auquel était réservé l'achèvement des aventures du Saint Graal. Il faut donc qu'il y ait eu, dans le travail des arrangeurs du texte définitif, une confusion dont il est devenu impossible de sortir. Le fils du roi Pélès insista pour se rendre à la cour d'Artus dans l'espoir d'être adoubé par Gauvain. Il partit le lendemain accompagné d'un seul écuyer et monté sur un palefroi en blanc. Ils arrivèrent sans encombre jusque dans la plaine de Roestock. Mais au bord d'un ruisseau qui coulait de la source du Pin s'étaient arrêtés 2 rois mécréants, Pinarus et Manakis, qui, de la roche aux Seines, conduisait un renfort de 500 hommes devant Clarence. La compagnie mangeait et buvait à la fraîcheur de la source et à l'ombre des arbres, tandis que les chevaux paissaient tranquillement dans la plaine. Dès que le damoiselle aperçoit les scènes, il demande ses armes et fait échange de son palefroi contre le cheval que conduisait Lydonas, son écuyer. Puis, l'épée à l'arçon de la selle et le glaive au poing, il presse le pas autant qu'il peut. Pinarus, le voyant arriver, charge un de ses hommes d'aller demander qui il est, d'où il vient, où il va. « Nous sommes, dit le damoiselle, de la terre voisine, et nous allons à nos affaires. Qu'on l'arrête et qu'on me l'amène, dit Pinarus à ses gens, et 40 montent pour faire ce qu'il désirait. » Le damoiselle piquait toujours son cheval de l'éperon, mais, se voyant atteint, il se retourne brusquement et frappe d'un coup mortel celui qui l'approchait le plus. Puis il continue sa course. Rejoint de nouveau, il est bientôt environné de 20 ou 30 scènes qui le pressent de la lance, si bien que son haubert est faussé et son haume aplati sur sa tête. Pourtant, de chaque coup de lance, il tue ou désarçonne l'un ou l'autre. Quand le glaive est brisé, il saisit l'épée et se défend encore. mais enfin tout meurtri, on le voit fléchir sur le cou de son cheval, tout en frappant ceux qui s'aventurent de trop près. Enfin, il allait tomber mort ou pris, quand Dieu lui envoyait un secours inattendu. Ici, nous devons revenir au roi Lot et à ses enfants, que nous avons laissés prenant congé du forestier. Pendant que les fils de Minoras vont avertir le roi Clarion de se trouver au rendez-vous d'Arestuel, Lot et ses quatre fils étaient rentrés dans la forêt. Le temps était doux, l'air tiède, l'herbe mouillée de la rosée matinale. Les oiseaux chantaient à qui mieux mieux sur les arbres. Tout en un mot ramenait nos dames oiseaux à des pensées d'amour. Guire chevauchait le premier, puis Gaëriette, puis Agravin. Enfin, un peu plus éloigné, le roi Lot et Gauvin. Gaëriette, le plus amoureux, se mit alors à chanter un son nouveau, d'une voix dont la douceur semblait charmer les oiseaux eux-mêmes. Le soleil s'étant levé, Gaëriette s'arrêta pour aller au pas de ses frères. « Chantons ensemble, » dit Guire, et leurs voix formèrent bientôt les accords les plus doux et les plus beaux. Quand ils eurent fini, Guire dit « Frère, par la foi que vous devez à mon père, que feriez-vous si vous trouviez maintenant en ce bois une des filles de Minoras ?»« Voyons, Agravin, parlez d'abord, vous êtes notre aîné. » »« Moi, » dit Agravin, « je ferai d'elle mon plaisir, qu'elle voulût ou non. » « Oh, pour cela, » dit Gaëriette, « je m'en garderai bien. Je conduirai la pucelle en lieu sûr où elle n'aurait rien à craindre de personne. »« Moi, » dit Guire, « j'en ferai mon amie si elle le voulait bien, mais pour rien au monde je n'userai de violence. Où serait le plaisir si le jeune était aussi doux pour elle que pour moi ?» Ils en étaient là quand Lot et Gauvin les rejoignirent après avoir entendu leurs propos. « Décidez, » dirent les trois frères, « qui de nous a le mieux parlé ?»« Je fais, » dit Lot. « Votre aîné Gauvin juge de la cause. » « Gauvin, alors ?»« Je n'aurai pas besoin de longues réflexions. Gaëriette a dit le mieux, Agravin le plus mal. Si la demoiselle était en lieu dangereux, n'aurait-elle pas droit de compter sur lui comme sur un protecteur ? Cependant, on voit qu'elle ne pourrait faire de pires rencontres. Guire a bien parlé, quand il s'est défendu de rien demander à la violence. Ainsi doit penser un cœur amoureux. » « Mais Gaëriette a le mieux dit, et ainsi ferai-je moi-même. » Tous alors se mirent à plaisanter et gaber, Agravin comme les autres. « Comment, Agravin, dit le roi Lot, vous traiteriez ainsi la fille de votre hôte? Vous le payeriez ainsi de l'accueil qu'il vous a fait? Il aurait donc un bien grand sujet de regretter sa courtoisie. »« Oh !» fit Agravin, « il ne s'agit pas de priver sa fille de la vie ou d'un membre. » « Mais de plus encore, dit Lot, de lui ôter l'honneur. » « Par ma foi, reprit Agravin, je fais peu de compte d'un homme qui, tenant une femme seule à seule, s'avise de la respecter, et s'il laisse échapper l'occasion, il n'en sera jamais aimé. Au moins ne perdra-t-il ni son honneur ni celui de la dame. Pourtant n'en sera-t-il pas moins gabé? Et qu'importe ce qu'on en dise, s'il a fait son devoir, s'il n'a pas mérité de vilains reproches. Je ne vois pas, continua Agravin, comment avec de telles façons de penser, vous ne vous rendez pas tous moines pour n'avoir plus à craindre la rencontre d'aucune femme. Il m'est avis que vous en avez peur. Moi, dit Lot, je dis que, si vous vous maintenez ainsi, vous ne pouvez manquer de mauvaises aventures. Ce que le roi Lot avait prévu arriva. Agravin languit longtemps pour avoir dit de méchantes paroles à une pucelle qui chevauchait en compagnie de son ami. Il engagea le combat et blessa gravement celui qui la conduisait. Mais quand il voulut partager le lit de la demoiselle, il lui trouva les jambes puantes et lui fit un tel affront de paroles que, pour s'en venger à son tour, elle l'affligea d'une blessure qui ne se fut jamais refermée sans Gauvin et Lancelot, auquel fut réservé le pouvoir de le guérir, comme on verra par la suite. Il était heure de tierce quand ils sortirent de la forêt pour entrer dans une terre qui longeait le bois jusqu'à Roistock. Bientôt, ils entendirent des cris perçants. C'était Lidonas, l'écuyer du varlet de Listenois, chassant d'une main le sommier qui portait les provisions, de l'autre le palefroid de son maître. Dès qu'il aperçut les princes d'Orcanie, « Ah, mes seigneurs, venez porter secours au plus beau, au plus brave, au plus noble des damoiseaux. Mon maître est depuis longtemps seul aux prises avec plusieurs centaines de scènes. Il résiste encore, mais il est seul et ne pourra tenir longtemps. Il est là, sur la lisière du bois. » Appeler les garçons, prendre les chevaux de bataille, vêtir les haubères, ceindre les épées, Cela fut pour Gauvain, ses frères et leur père, l'affaire d'un moment. Tout en suivant Lidonas, Agravain demanda à l'écuyer son nom. « Je suis, dit-il, au fils du roi Pélès de l'Istenois. Où allait ce prince ? Droit à la cour du roi Artus, pour servir monseigneur Gauvain et tenir de lui sa chevalerie. » Gaëriette s'adressant à Agravain, « Je pense, beau sire, que vous allez vous montrer aussi terrible pour les scènes que vous entendez l'être pour les dames. Oui, et vous, sans doute, vous ne toucherez pas plus aux scènes que vous n'entendez toucher aux pucelles. Par Dieu, sire Agravain, vous êtes mon aîné, mais on verra qui de nous deux saura mieux faire. Oh, que je me priserais peu si je n'allais plus loin que vous. Il n'y a pas grande courtoisie à se vanter aux dépens des autres. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire du mieux que vous pourrez. Je ferai si bien que vous n'oserez me suivre. Allez, allez, nous verrons bien. » Enfant, dit alors le roi Lot, cessez toutes ces gabries. Il faut combattre des glaives, non des paroles. Vous, Lidonas, rentrez dans la forêt et restez-y jusqu'à ce que vous voyez comment la chose ira. En ce moment, le damoiselle de l'Istenois sortait du bois, l'épée toute sanglante au poing. Plus de 200 scènes le serraient de près. Mais il renversait toujours les plus rapprochés. Quand il aperçut les 5 chevaliers, « Ah, pour Dieu ! » s'écria-t-il. « Venez à mon secours, vous voyez quel besoin j'en ai. »« Ayez confiance, » répond Agravain. « Tant que nous vivrons, vous n'aurez garde. » En même temps, il presse des éperons son cheval et va frapper de sa lance un cerne qu'il renverse pâmé. Gaëriette le suit de près. De 3 coups de son glaive, il en abat 3 autres. Le bois se brisant dans le corps du dernier, il tire son épée en jetant encore à son frère des paroles irritantes. Jamais secours ne vint plus à propos, mais Gauvain seul décida les scènes à lâcher leur proie, en immolant 2 de leurs rois, en remontant plusieurs fois ses frères et son père sur les chevaux qu'il enlevait aux païens. Après une longue résistance, les scènes crurent avoir affaire à des fantômes sortis de l'enfer et cherchèrent leur salut dans les détours de la forêt, heureux de pouvoir de là gagner Clarence et conter au roi Hargodabran leur déconvenue. On peut se faire une idée de la joie du varlet de l'Istenois en reconnaissant dans ses libérateurs les princes d'Orcanie et, dans celui qui portait sur son écu le lion rampant de Sinople, monseigneur Gauvain qu'il allait chercher et qui eut grand plaisir à le recevoir comme le premier de ses écuyers. Mais quand les scènes furent entièrement hors de vue, la querelle recommença entre les fils du roi Lot, qui seraient devenus ennemis si Gauvain ne les eut apaisés. Gaëriette le premier dit au roi, « Beau-père, demandez à mon frère Agravain s'il a grande envie de se jouer aux demoiselles qu'il pourrait rencontrer en ce bois. » Agravain, le regardant de travers, « Vous raillez plus volontiers maintenant, dit-il, que vous ne faisiez quand un cerne vous tenait abattu et que pour vous délivrer vous avez eu besoin de Gauvain. » « Si je suis tombé, dit Gaëriette, je n'en puis mais, au moins n'ai-je cessé de me défendre. » Vous feriez mieux de ne pas parler de cela, car vous fûtes tellement serré de près que si la plus belle dame du monde vous eût alors prié d'amour, vous n'auriez pas su lui dire un seul mot et vous auriez laissé un enfant de 5 ans prendre vos brais. » Ces mots augmentèrent la colère d'Agravain. S'ils avaient été seuls, il eût assurément commencé la mêlée. Lot, pour mettre fin à la querelle, demanda ce qu'il fallait faire des sommiers que les scènes avaient abandonnés. « Mon Dieu, père, dit Gaëriette, prenez les conseils d'Agravain, lui qui, à l'en croire, a tout gagné. Voilà une parole que tu payeras, s'écria Agravain, étincelant de fureur. Et prenant un tronçon de lance, il le fit tomber de toute sa force sur le haume de Gaëriette. En vain Guire essaya-t-il de lui enlever ce qui lui restait en main, il n'en continua pas moins à frapper. Gaëriette parait les coups sans user de représailles, et cependant Gauvain revenait de la poursuite des scènes. Qu'est-ce ? Demanda-t-il. C'est, dit le roi Lot, Agravain que l'orgueil rend fou. Non, jamais, fait Agravain, je ne pardonnerai à Gaëriette ces paroles insolentes. Quoi, si je vous en prie, dit Gauvain, vous ou tout autre, peu importe. Vraiment, si vous avez encore le malheur de le toucher, je vous en ferai repentir. Que je sois maudit si je me soucie de vos menaces. Voyez donc ce que vous ferez. Agravain presse son cheval, court l'épée nue sur Gaëriette, la laisse tomber sur le haume qui l'écartèle et dont il fait voler des étincelles. Gaëriette continue à tout recevoir sans paraître émue, mais Gauvain, tirant du fourreau Excalibur, Par l'âme de mon père, tu seras châtié de ton outrecuidance. » Oui, Gauvin, dit Lot à son tour, ne l'épargne pas, tue ce mauvais garçon. Gauvin comprend que son père dit cela moins pour lui que pour être entendu d'Agravain. Il vient à son frère, le poing levé, et le frappe du pommeau de son épée sur l'oreille assez fortement pour le jeter étourdi à terre. Il allait faire passer son cheval sur lui quand Gaëriette lui dit « Ah, beau doux frère, ne vous courroucez pas ainsi contre lui. Vous connaissez trop son orgueil et sa furie pour prendre à cœur ce qu'il peut dire ou faire. Tais-toi, je ne comprends pas que tu ne te sois pas défendu. Vous oubliez, beau frère Gauvin, qu'il est mon aîné et que je lui dois porter honneur. Tout ce que je lui disais n'était que pour gaber et rire. Pourtant, dit alors Guire, as-tu les premiers torts, tu le connaissais, et tu as pris plaisir à l'exciter. Il est juste que tu en sois puni. Pardieu, répond Gaëriette, ce n'est pas avec un étranger que j'irai gaber, et puisqu'il faut se garder de le faire entre proches et amis, c'est la première et la dernière fois que je l'essaierai. Si nous n'avions pas un message à remplir de compagnie, je vous quitterais même à l'instant. Pour moi, continua Guire, j'en voudrais à Agravain s'il ne se vengeait de vos mauvaises paroles. Et moi, fit Gauvin, je dis malheur à vous si vous faites la moindre injure à Gaëriette. Dès que vous nous en priez, beau frère Gauvin, nous nous en garderons. Mais je suis dolent de vous voir prendre son parti contre nous et de rejeter sur nous le blâme. Faudrait-il donc louer à Gravin d'avoir couru sur son frère en présence de notre père ? Aussi, dit le roi Lot, peu s'en faut que je ne vous mette à pied et ne vous reprenne, Guire et Agravain, les armes que vous portez. Père, dit Guire, vous ne parlez pas de vous-même. Sans mon frère Gauvin, vous ne feriez jamais ce que vous dites. Dans tous les cas, je recommande à Gauvin, si vous faites le moindre outrage à Gaëriette, de vous châtier comme deux traîtres. Mais enfin, continua Lot, que ferons-nous des sommiers conquis ? Nous ne les pouvons mieux employer, dit Gauvin, qu'en les envoyant à Minoras pour le remercier de son bon accueil. Il nous serait ici d'un grand embarras. Nous les lui ferons présenter par le varlet du damoiselle que nous avons secouru et par un de nos garçons. On fit approcher les deux varlets qui prirent le chemin de la maison de Minoras. Le forestier les reçut à grande joie et remercia le roi d'Orcanie de son généreux souvenir. La querelle d'Agravain apaisée, les quatre frères demandèrent aux damoiselles de plus grands détails sur ce qui les regardait. « J'ai un nom, dit-il, Eliezer. Mon père est le roi Pélès de l'Istenois, mes oncles le roi Alain de la terre foraine et le roi Pélinor de la forêt sauvage. Pélinor a 12 fils. L'aîné est âgé de 17 ans, le dernier de 5. L'un d'eux est parti pour se rendre à la cour d'Artus. Un 13e est conçu, mais n'est pas encore né. » Avant d'atteindre la ville d'Arestuel en Écosse, nos messagers mirent encore à fin deux aventures. Une nuit qu'ils étaient assez mal hébergés dans un ermitage isolé au milieu des bois, Gauvin crut entendre dans le lointain de grands bruits, des cris et des plaintes. Il avertit Eliezer, son nouvel écuyer, qui lui amena Gringalet, lui présenta ses armes et le suivit monté sur un autre cheval. Ils trouvèrent à quelque distance une demoiselle aux mains de 5 hommes armés qui la frappaient et menaçaient de la tuer si elle ne se taisait et ne satisfaisait pas leur odieuse brutalité. À quelques pas de là, un jeune homme entièrement nu était battu de verges et de bâtons. Gauvin commença par délivrer la demoiselle en tuant les infâmes ravisseurs. Cependant, Eliezer mettait les autres malfaiteurs en fuite. Le chevalier délivré conta à son libérateur comment, avec sa cousine, la sœur de la dame de Roestock, il s'était écarté sans trop s'en apercevoir de la compagnie avec laquelle il revenait de Calingue à Roestock, et comment ils avaient été surpris par une troupe de larrons armés qui les avait entourés et aurait sans doute à la demoiselle ravi l'honneur, à lui la vie, sans le secours inespéré qu'il venait de recevoir. Gauvin était rentré silencieux à l'ermitage avant le lever du soleil, et le lendemain matin, ses trois frères ne furent pas peu surpris en le trouvant profondément endormi, puis Eliezer auprès de Gringalet et non loin du lit d'herbe où ils avaient eux-mêmes reposé une demoiselle et un chevalier qu'ils n'avaient jamais vus. Tout leur fut raconté. L'orgueilleux Agravain ne put écouter ce récit sans témoigner son dépit de n'avoir pas été averti de prendre part à l'aventure. « Oh ! » dit Gaëriette, « on s'est bien gardé de vous réveiller. On aurait craint de vous arracher aux doux songes que l'amour de votre ami vous envoyait. » Agravain, cette fois, ne releva pas la parole. Ils arrivèrent vers la fin de cette seconde journée devant la ville de Roestock. La situation en était admirable. Environnée de bois épais et de prés fleuris, arrosée de rivières qui descendaient de la fontaine du Pin, le soleil frappant sur les murailles en faisait jaillir des étincelles. Le chevalier qu'Eliezer avait délivré vint à la porte et fut aisément reconnu du haut des créneaux par la dame de Roestock. Elle le fit ouvrir, et quand ils furent entrés, la dame, après avoir échangé quelques mots avec sa sœur, revint d'un air riant au chevalier et leur fit la meilleure chère du monde. Elle les conduisit dans son beau palais, on les y désarma. On leur lava le visage, la bouche et le menton avec l'eau chaude et tiède. Puis ils se placèrent sur une couche et conversèrent agréablement avec la dame jusqu'au moment où, les tables étant dressées et les nappes mises, on s'assit au souper. Après avoir été servi des meilleurs mets, on se leva, on raconta comment la demoiselle avait été tirée d'un grand danger, comment le pays était ravagé par les Seines, comment ce château de Roestock dépendait du fief d'Artus, et comment enfin le roi Lot et ses quatre fils s'étaient mis en voyage, dans l'espoir de persuader aux rois et princes feudataires de tenir un parlement à Arestuel en Écosse le jour de la Notre-Dame de septembre. Le châtelain de Roestock se chargea de transmettre ses vœux au roi des cent chevaliers, à Guiguenon, qui devait être en ce moment à Malheau. De Roestock, nos messagers passèrent devant le château de Love-Serpe, à 2 lieues de Cambénic. Ils virent les flammes et la fumée dévorer les habitations. Les Seines, maîtres de la campagne, avaient enlevé les bœufs, les troupeaux, tout ce qu'ils avaient trouvé dans les métairies. Le duc Escan s'était avancé contre eux avec 7 000 hommes. Les Seines, 3 fois plus nombreux, l'avaient repoussé et contraint à reprendre le chemin de la ville. Le roi Lot et ses fils ne purent voir ce tableau de désolation sans lasser les hommes, pendre les écus à leur cou, monter les destriers et s'avancer dans la campagne. Le duc Escan, les voyant approcher, fit arrêter ses gens et la lutte devint moins inégale. Gauvin, ses 3 frères, Eliezer et le roi Lot firent les prodiges qui leur étaient ordinaires. Les Seines, après avoir vu mourir leur roi Orient, Brandalus, Dodalis et Moïdap, lâchèrent pied et cherchèrent leur salut dans les forêts voisines. Après cette grande victoire, le duc Escan les conduisit dans la ville de Cambénic et raconta comment il devait son salut et la défaite des Seines à la valeur des princes d'Orcanie et du jeune Eliezer de Listenois. On venait de les désarmer quand les 2 varlets, chargés de conduire les chevaux conquis au forestier Minoras, revinrent et rendirent compte de la façon dont le présent avait été reçu. « Comment le font, dit Gaëriette, les filles de notre hôte ?»« Fort bien, répondit Lidonas, elles vous mandent salut à tous. »« Ah, si la pensée d'Agravain leur était connue, elles seraient encore plus reconnaissantes. » Tous se prirent à rire de la parole, à l'exception d'Agravain qui, après avoir un peu rougi, prit le parti d'en rire comme les autres. Le duc Escan connut alors le but du voyage du roi Lot et comment le roi Clarion de Northumberland et le roi des 100 chevaliers avaient déjà promis de se trouver à la Notre-Dame de septembre dans Arestuel. « Plaise à Dieu, dit Escan, que nous soyons tous bientôt accordés au roi Artus. C'est pour nos péchés que les Seines se maintiennent depuis 2 ans dans le pays. Vraiment, il nous sera difficile de renverser un roi sacré et hénouin, un roi reconnu par la gens commune et par le clergé, soutenu par les rois de Gannes et de Benoïc. Si tous les autres princes pensaient comme vous, dit Lot, la Bretagne s'en trouverait mieux. Pour moi, j'ai déjà fait accord avec le roi Artus, et quiconque sera contre lui sera également contre moi. » La fin de l'entretien fut que le duc Escan assisterait à l'assemblée d'Arestuel et qu'il se chargerait d'y amener le roi Idier de Cornouailles, le roi Urienne de Galles, beau-frère de Lot, le roi Aguizel, le roi Nôtre de Garlot, le roi Tradélinan de Norgal, le roi Caradoc Bribra d'Estrangor, le roi Bélinan de Sorgal et le seigneur de l'Étroite Marche. En effet, tous ces princes promirent de répondre à l'invitation qui leur en fut faite. Le premier qui vint à Arestuel fut le roi Clarion de Northumberland, bon chevalier, prince des plus débonnaires. Le second fut Aguiguenon, le roi des 100 chevaliers, aimé de tous ses voisins. Le troisième, le duc Escan de Cambénic. Puis le roi de Norgal Tradélinan, le roi Bélinan, le roi Caradoc d'Estrangor, le roi Aguizel, le roi Urienne, enfin le roi de Cornouailles, Idier, dont les domaines étaient les plus éloignés. Nous répétons souvent ces noms de rois devenus les héros de poèmes postérieurs. Les 11 princes et les 4 fils de Lot s'étant réunis dans un pré, le jour de la fête de Notre-Dame, Gauvin prit la parole. « Seigneur, leur dit-il, le roi Artus à qui nous sommes nous a envoyé vers vous qu'il souhaiterait grandement avoir pour ami, dans l'espoir de conclure avec vous de nouvelles trêves jusqu'aux fêtes de Noël. Durant ces trêves, il pourrait réunir ses hommes aux vôtres pour les opposer de concert aux scènes et contraindre nos ennemis communs à vider le pays. La Sainte Église accorde dès ce moment le pardon de leurs péchés à ceux qui prendront part à la guerre sainte. » Les princes, quand Gauvin eut cessé de parler, demandèrent à savoir avant de répondre ce que le roi Lot en pensait. « Je pense que c'est la meilleure offre qu'on puisse vous faire. Je ne parle pas comme pourrait le faire un vassal d'Artus, mais dans la pensée de tous les maux que la guerre nous a déjà causés et nous doit causer encore. Sans nos divisions, les Seines ne seraient pas entrées en Bretagne. Nos péchés seuls les y ont maintenus. »« Comment ? » dit alors le roi Urien. « Auriez-vous déjà fait hommage à Artus ?»« Oui. » »« En cela, vous n'avez pas loyalement agi, car si nous jugions à propos de continuer la guerre, vous estimeriez que nous sommes contre vous aussi bien que contre Artus, et telle ne serait pas notre intention. » « Il est vrai, reprit le roi Lot, que je serai désormais l'ennemi des ennemis du roi Artus. Cela n'est pas d'un prince loyal. Vous avez juré d'être avec nous, vous ne pouvez être à d'autres. » « Seigneur, dit le roi Lot, il m'en a pesé de m'accorder au roi Artus. Le jour même où je pensais lui causer le plus d'ennui, Gauvin, mon fils, après m'avoir abattu, ne m'accorde à la vie qu'à la condition de faire ma paix avec Artus. » « Ainsi, dirent-ils tous ensemble, vous avez été contraints, plût à Dieu qu'il nous en fût autant arrivé. » Ils parlèrent longtemps et enfin tombèrent d'accord de la trêve qu'on leur demandait. Gauvin, entre les mains duquel ils la fiancèrent, leur proposa de prendre jour pour arriver avec tous leurs hommes dans la grande plaine de Salisbury. Le roi des 100 chevaliers promit de s'y trouver au jour de la Toussaint, et tous les autres princes, dès qu'ils auraient assemblé leurs forces. Ces résolutions arrêtées, ils prirent congé les uns des autres. Vers la Toussaint, ils arrivèrent de tous côtés dans la plaine de Salisbury. D'autres princes s'étaient encore joints à eux, comme les rois Amadéan et Clamadan, Brangor, Alain, Pélinor, Pélès de Listenois, le puissant roi Lac, le duc des Roches, vaillant baron du royaume de Sorolois. Mais ici, le récit revient au roi Artus et à la ville de l'Ogre, où il résidait.